Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous enregistrons ce 236e épisode le 6 juillet 2020. Si on dresse le bilan des choses marquantes de ces derniers mois, bah c'est difficile hein, de passer à côté de ce qu'a engendré la crise sanitaire du Covid-19. On en a largement parlé dans Tech Café. Et en première ligne, les évolutions du travail. On en parle dans cette première rubrique en abordant notamment le cas des employés d'Apple. Et puis on suivra également les évolutions du monde du travail avec les automatisations qui se mettent en œuvre dans le monde du développement. Avec plus ou moins de clarté hein, pour les premiers concernés, je vous relayerai ce qui a buzzé là ces derniers jours autour d'une vidéo assez virale. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Et puis on ne change pas la recette d'un gâteau qui est apprécié. On va continuer à parler de ransomware, de Windows 11, qui au passage tourne, oui, bel et bien sur un smartphone, plus exactement un ancien smartphone, un Lumia. Et on reviendra aussi sur l'évolution conduite par Google sur les applications pour Android. Vous savez peut-être aujourd'hui, les applications sur Android sont distribuées dans des formats qu'on appelle APK, les trois lettres APK. Demain, devraient être distribuées au format AAB, avec comme promesse une optimisation du poids des apps. On y reviendra. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile toujours enthousiaste, et je retrouve celui qui est à l'actu tech, ce que les introductions de Tech Café sont aux analogies. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Pogjaspala. Salut Guillaume. Oui, voilà, en essayant d'être un petit peu moins approximatif. Oh, bah oui, forcément, oui, c'est mieux de pas être trop approximatif comme le sont les analogies des intros de Tech Café. Effectivement, t'as raison. Toujours en impro, toujours approximatif. C'est magnifique. Il y a un avis sur Apple Podcast qui n'est pas approximatif, Guillaume, c'est celui de Manu, qui dit « Super podcast, j'ai découvert Tech Café lors du passage de Guillaume, entre parenthèses, un des deux, dans le rendez-vous tech de Patrick Béja, et j'écoute désormais l'émission depuis quelques mois, j'apprécie beaucoup la dynamique entre les deux Guillaume, ainsi que les sujets toujours extrêmement bien préparés, avec foison de jeux de mots et autres calembours qui font toujours plaisir. Merci et continuez comme ça. Bah écoute, merci beaucoup à toi Manu, et puis bah continue comme ça en nous écoutant dans Tech Café aux côtés du rendez-vous tech. C'est évidemment un grand plaisir qu'on t'accueille dans la grande famille des auditeurs. Et puis je me dois quand même de souligner quelque chose d'assez important avant qu'on parle de nos sujets de cette semaine, parce que bah oui, vous l'avez constaté, depuis plusieurs années maintenant, Tech Café vous apporte une info, alors qu'on vérifie, qu'on creuse, qu'on met en perspective, et puis on s'efforce d'équilibrer le sérieux, le fond des sujets, hein, et puis le ton léger que vous aimez tant dans les podcasts indépendants. Alors sincèrement, c'est un énorme plaisir, mais c'est aussi du temps qu'on consacre, et on s'en rend pas toujours compte, je pense, quand on écoute, du temps qui est peut être passé pour produire ces épisodes avec la veille, la lecture des articles évidemment, la confrontation des sujets, la préparation pour rendre le tout le plus digeste possible dans un podcast. Alors si vous pensez que c'est le cas, en tout cas si vous en avez conscience au moins en écoutant ce petit segment, ben, je vous invite sincèrement, vous l'avez compris, à soutenir notre activité sur la page Patreon, patreon.com/techcafé. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin. Quelque part, je vous encouragerai à soutenir les podcasts indépendants au sens large, même si c'est pas Tech Café forcément. Bon, c'est mieux de soutenir aussi plusieurs podcasts, dont Tech Café, hein, évidemment. Mais les podcasts indépendants de manière générale, parce que ça tient qu'à vous, communauté de poditeurs de grande qualité, je pense qu'on peut le dire, de vous investir pour continuer à bénéficier de productions à la hauteur de vos attentes. Merci en tout cas beaucoup à ceux qui ont déjà fait la démarche. Alors, je fais un salut tout particulier à Christine Hu, à Antoine Dorion, à Matt Noublog, à Xavier Arnaud, à André Gentil, et même à Max Zedoser et Prismix qui renouvellent de leur côté leur confiance. Merci infiniment à vous qui avez fait la démarche de vous inscrire sur Patreon pour soutenir Tech Café. Merci. Sans autre forme de procès, nos news de cette semaine vont commencer par une actu à chaud, parce qu'au moment où on enregistre cet épisode, ça fait quelques heures qu'enfin nous sommes dans la confidence des plans de Nintendo concernant le futur de la Switch. On a déjà à plusieurs reprises parlé de la Switch Pro qui pourrait arriver. Les rumeurs étaient de plus en plus nombreuses et concordantes en nous disant qu'on devrait avoir une annonce. Alors on a eu une annonce, prenez des guillemets autour du mot annonce, parce que pas de grande messe et pas de grande prise de parole en vidéo pour nous présenter cette nouvelle version de la Switch. Ce n'est pas non plus une Switch Pro, c'est une Switch dite OLED, donc elle est vraiment présentée comme étant la Nintendo Switch, entre parenthèses, OLED. On attendait beaucoup de choses et je pense qu'elles sont pas forcément au rendez-vous. Notamment, on attendait une définition 4K en mode docké, donc quand la console est branchée sur la télé. Bon, c'est pas le cas, même si l'affichage est quand même amélioré avec ce format OLED et un écran très légèrement plus grand. Ça compte sur un appareil mobile, mais c'est tout petit peu plus grand. Il y a un port Ethernet, donc on ne dépend plus que du Wi-Fi pour la connexion Internet, ça peut être cool. Et on a un petit peu plus de stockage, on passe de 32Go à 64Go de stockage. On a aussi le levier qui sert à positionner la Switch sur une table. Je suis pas sûr que ce soit la fonction la plus utilisée de la Switch, mais peut-être qu'on va l'utiliser plus dans cette nouvelle version parce que ça a été revu et il faut dire que c'est plus un petit pied qui rendait la structure très fragile. Limite, t'avais l'impression d'éternuer, la Switch allait tomber en arrière. Là, je pense que ce sera un petit peu plus solide puisque ça prend toute la largeur de la Switch. Une diagonale avec une dalle avec une diagonale de 7 pouces. Donc ça fait pas une grosse différence, hein, notamment sur le format de la Switch parce que alors les bordures sont un peu plus fines, mais en gros, bon, elle fait 24 cm13 contre 23 cm87 contre l'ancien format, donc à peine plus grande. Pas de cas au rendez-vous avec du 1080p et du 720p sur la console. Guillaume, est-ce que tu penses que cette Switch OLED est une belle évolution ou une grosse évolution de la Switch ? Oui, non, bah c'est clairement pas une grosse évolution, mais c'est une évolution. Bon, et voilà, tu dis, on a une meilleure qualité, tout ça, une meilleure béquille. Ça, c'est bien, la meilleure c'est béquille. C'est vrai, meilleure béquille. J'ai cherché le mot de la béquille, bien vu. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Puis bon, voilà, oui, l'écran OLED, bon, moi qui ai eu une Vita et qui est abondamment, qui me suis abondamment répandu en louange de l'écran de la Vita à l'époque parce qu'il était OLED, ben bah, voilà, bon, un grand écran de 7 pouces OLED, c'est quand même vraiment sympa. Donc, c'est vraiment bien. Alors, évidemment. Si on s'attendait à une Switch Pro, un truc avec, je sais pas, plus de RAM ou plus de puissance, bon, ou peut-être même un truc, tu vois, en déclinaison de salon, effectivement, qui aurait pu envoyer du 4K sur les écrans 4K qui sont quand même de plus en plus, de plus en plus fréquents aujourd'hui. Mmh. Et effectivement, on pourrait être un petit peu déçu. Après, franchement, est-ce que c'est si surprenant, tu vois, si on prend en compte les situations actuelles sur le marché des composants électroniques? Bah, tu te dis que c'est peut-être pas le meilleur moment pour lancer une nouvelle machine, tu vois, avec un nouveau hardware, quoi, parce que bon, la Switch actuelle, il faut savoir qu'elle est gravée en 16 nanomètres, alors que l'original, en fait, donc la première version était gravée en 20 nanomètres, donc avec la chauffe et l'autonomie qu'on sait, quoi. Et donc, ils sont passés assez rapidement en 16 nanomètres, qui donne une meilleure, voilà, une autonomie nettement meilleure, quand même, à la machine. Et donc, si Nintendo avait voulu une machine vraiment plus puissante que ça, que la Switch actuelle, et qui conserverait la même autonomie, voilà, la même forme, la même taille, bah, il aura probablement dû utiliser le processus N5 de TSMC. Et encore, en gros, si tu regardes bien, les specs, de N16, donc du 16 nanomètres au 7 nanomètres, on a 40% de perf en plus, et du 7 nanomètres au 5 nanomètres, on a 15% de perf en plus. Donc ça veut dire qu'au total, le 5 nanomètres, il est 67% plus performant, à conso égal. Donc si on parle de la Switch originale, oui, on aurait eu deux fois plus de puissance, mais si on parle de la révision actuelle, hein, qui est celle que tout le monde a l'habitude d'utiliser, plus ou moins, on n'y est même pas, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, Nintendo n'aurait pas une machine significativement meilleure, à moins d'avoir vraiment le tout dernier node de chez TSMC. Donc les puces les plus actuelles, quoi, hein, un petit peu comme Apple. Sinon, bah, la machine devrait être juste plus chère, hein, tout simplement, ou plus grosse, ou avoir un petit peu moins d'autonomie. Et bien, le 5 nanomètres de TSMC, il existe, hein, mais tout le monde en veut. Tu vois, c'est ça le problème, c'est que ça se bouscule littéralement, quoi. Tu as AMD, t'as Qualcomm, Apple, MediaTek, Huawei, t'as tout le monde, hein. D'ailleurs, t'as aussi un nouveau venu, t'as aussi Intel qui veut même du TSMC. Ouais. Alors, il en voudra encore plus dans le futur, mais déjà, pour ses GPU XE, il veut aussi du 5 nanomètres. Donc, et c'est, voilà, et tout ça, c'est des très très gros clients. Donc, je sais pas si Nintendo passera assez lourd, en fait, pour que TSMC lui fasse une place, ou juste assez de place. Tu vois, voilà, on a vu le lancement des PlayStation 5 et des Series X, hein, aussi, et puis des RTX 3000 aussi, des RDNA 2. Bah, tout ça, ça montre terriblement bien, hein, qu'on n'est pas le meilleur moment du monde pour lancer une nouvelle console. Donc finalement, une Switch normale, mais avec un meilleur écran, bah, c'est peut-être tout simplement ce que Nintendo peut raisonnablement nous offrir pour le moment, quoi. c'est un peu l'évolution du bon sens, j'ai l'impression. Quelques petits détails peut-être sur lesquels on peut appuyer pour être complet. On aurait pu, je pense, essayer d'aller un tout petit peu plus loin, effectivement, avec un upscaler un petit peu plus sophistiqué, ouais. Ce genre de truc. C'est vrai, je pense. Mais bon, ça aurait demandé plus de boulot. Et bon, finalement, pourquoi faire plus de boulot quand on peut te faire payer 350 balles en changeant l'écran, quoi. Oui, et surtout, j'allais dire, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, Nintendo, parce que, ils vendent des consoles déjà aujourd'hui qui sont, d'un point de vue puissance, pas forcément très impressionnantes, mais avec une expérience utilisateur de jeu qui est très satisfaisante et qui fait qu'ils s'en vendent des palettes. Donc, effectivement, pourquoi changer d'architecture quand tu en vends déjà beaucoup ? C'est l'évolution du bon sens. Ouais. D'ailleurs, tu sais que les contraintes de la Switch, ça veut dire qu'il faut quand même qu'ils utilisent des trucs qui consomment très peu, qui soient le plus puissants possible. Donc ça les place avec les mêmes contraintes que les téléphones mobiles, quoi. Donc s'ils veulent une Switch qui soit vraiment beaucoup plus puissante que la Switch originale, ben il va falloir attendre un petit moment pour avoir de la ressource et tu vois pour que les prix soient parce que le fait qu'il y ait beaucoup de clients sur le 5 nanomètres, à mon avis, ça veut dire que le prix est encore assez élevé, quoi. Mmh. Donc je sais pas, ça surtout risque de durer un petit moment encore hein, avant qu'on ait une Switch 2. Ouais, tout à fait. Bon, pour terminer un peu la synthèse, il y a un nouveau dock, bon, des nouveaux coloris. Il faut noter quand même que les Joy-Con sont compatibles avec les anciens. J'allais dire encore heureux, mais on aurait pu aussi ne pas être surpris si on nous avait fait racheter des Joy-Con. Bon, de toute façon, les anciens marchent plus, donc faut en racheter. Il y a la béquille dont on parlait tout à l'heure qui est réglable avec plusieurs niveaux d'inclinaison. Donc ça aussi, c'est un peu plus cool. On l'utilisera peut-être un petit peu plus facilement dans plein de situations. Donc c'est une puce Tegra custom, mais dont on n'a pas encore évidemment les détails, si je dis pas de bêtises, Guillaume, sur le format détaillé. Et puis une date de dispo prévue le 8 octobre avec un prix, et ben si je dis pas de bêtises, qui est un prix qui se rapproche des consoles next-gen, PlayStation 5 et Xbox, puisqu'on peut miser, alors même si on n'a pas un tarif officiel, sur un tarif aux alentours de 399€, 400€ quoi. Moi j'arrive à me demander s'il n'y a pas non plus dans cette volonté, Guillaume, de proposer cette nouvelle Switch, qui a forcément des arguments en plus, hein, à l'écran OLED, avec une meilleure restitution des noirs, etc. Bon. Mais pas un gros changement, une volonté de se positionner en face des consoles next-gen qui vont peut-être avoir une place en fin d'année au pied du sapin. Est-ce que c'est pas une manière de valoriser encore plus une console pour peut-être papa-maman qui voudraient offrir une console à la famille et qui doivent choisir légitimement entre toutes les consoles du marché et qui du coup retrouvent avec ces arguments-là et ce prix-là le sentiment de faire vraiment jeu égal dans l'expérience de jeu vidéo face à d'autres consoles. Est-ce que tu penses que c'est très exagéré ou pas de ma part de penser ça ? Bah écoute, il suffit de brancher ça sur une télé, puis la question elle est vite répondue. Oui, non mais je suis pas en train de dire que l'expérience est comparable. Moi je le sais qu'elle est pas comparable. Mais est-ce que tu penses que papa-maman, ne testant pas forcément les consoles, n'ayant pas forcément connaissance de ce qu'il y a derrière, ils voient une nouvelle Switch, ils voient le prix, et est-ce qu'ils se disent pas, finalement, c'est quelque chose de comparable aux autres consoles ? Je prends peut-être les gens pour des idiots, et ne le prenez pas mal. Oui, non mais écoute, ils ont peut-être joué l'arnaque, hein. C'est voilà. Tu le dis clairement. Pourquoi pas, hein. Tu le dis clairement. Bon, on verra combien il s'en vend. Moi, je mise qu'il va évidemment s'en vendre beaucoup et qu'en plus, ce ne sera pas des déceptions et que les gens sont très contents de leur Switch OLED. Dites-nous. Je suis sûr que l'écran, il va donner un confort de jeu qui sera vraiment sympa. Attention, hein. Moi, je dis pas c'est sûr. Ça, hein. C'est sûr. Pas de meilleure autonomie, hein, au passage, évidemment, il n'y a pas, non, y a pas de gain de toute façon, ils n'ont pas donné de détails sur le processeur, mais à mon avis, c'est exactement le même. Il n'y a pas de détails à donner, c'est juste la même chose, il n'y a rien à dire. Ah, raison. Bon, effectivement, bon, ce serait hautement probable. Écoute, Guillaume, on va passer aux vraies actus telles que tu les avais préparées pour cette émission. Je le disais tout à l'heure, on va parler déjà, pour commencer, des impacts sur le monde du travail, notamment concernant les employés Apple, Guillaume, qui veulent de la flexibilité, et Tim Cook qui ne veut pas leur donner cette flexibilité qu'ils attendent pour le retour au monde du travail tel qu'il est repensé aujourd'hui. Bah écoute, ouais, c'est juillet, c'est l'été. Bon, ça n'a pas l'air du tout. Hein, non, c'est vrai. C'est bien de le rappeler. L'été, mais bon. C'est quand même l'été, donc c'est les vacances, ou ça le sera bientôt. C'est le meilleur moment pour parler boulot. Bon, on va pas revenir évidemment sur les surprises qu'attend Cascade hein, de ces deux dernières années. C'est évident que le monde du travail a radicalement changé pour plein de monde, et que ces changements allaient être voilà, structurels en partie, profonds en tout cas, et que plein allaient perdurer. Hein. Donc on s'est très vite d'ailleurs essayé à deviner lesquels et comment. Hein. Déjà en octobre 2020, Il y a un rapport du Forum économique mondial hein, qui s'appelait « The Future of Jobs », qui donnait quelques chiffres et tendances. Alors à l'époque, on notait déjà que 44% des cols blancs télétravaillaient. Les inégalités entre les travailleurs, les plus et les moins qualifiés, s'étaient déjà accrues, et elles menaçaient de s'accroître encore, hein, avec un recours assez massif à l'automatisation. C'est quand même 43% des business qui voulaient automatiser plus et décroître leur masse salariale dans la foulée. Alors, les employeurs estiment qu'aujourd'hui, il y a 15% à peu près d'emplois qui sont redondants, et que ça pourrait passer à 9% en 2025. Donc les nouveaux types d'emplois, hein, quant à eux, pourraient passer de 7,8 à 13,5%. Donc en gros, il y aurait des destructions et des créations d'emplois. Mais bon, selon les chiffres, le compte n'y est pas, quoi. Et donc on s'attend à 85 millions d'emplois qui pourraient manquer à l'appel d'ici 2025. Bon, ça, c'est ce que disait donc le Future of Jobs, qui n'était pas super. Après, c'est pas complètement étonnant, hein, puisque bon, la pandémie, ça motive l'automatisation de certaines tâches. Alors que bon, moi jusqu'à maintenant, c'était pas forcément une priorité, hein, tu vois, mais comme dit Casey Warman dans le New York Times, une fois qu'un boulot est automatisé, bah, c'est très très peu probable qu'il revienne jamais. Tu m'étonnes. Donc dans l'article, il donne des exemples, alors, il y avait celui de Checkers, alors, moi je connaissais pas, mais c'est une chaîne de fast-food qui a vu bondir la demande en confinement, et il y avait personne pour la satisfaire. Donc ils ont contacté des gens chez Valiant AI, qui leur ont fait un système de reconnaissance vocale pour les commandes, hein, tout simplement. Et donc ça, c'était seulement à Atlanta, et c'était temporaire, ben finalement ça marche tellement bien que ça va être étendu à tout le pays. Alors c'est vrai que pour les autres technos, d'ailleurs, il y a une boîte qui s'est mise à la réalité augmentée, par exemple, parce qu'elle pouvait pas faire venir les experts pour regarder un problème in situ. Et donc, les techs dont on parle depuis des années comme ça, elles font finalement adopter avec la pandémie. Parfois c'est même un détail tout con, hein. Il y a une chaîne de restaurants canadiennes qui s'est munie d'un grill double face. Oh, sérieux, c'est double face, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas besoin d'un gars qui retourne les burgers, voilà, tout simplement. Mais ça fait du boulot en moins, déjà. Retourner les burgers, c'est un truc en soi. Hein. Ah oui. Et voilà, il y a aussi des découpeurs de viande, et bien mine de rien, c'est un boulot qui demande un vrai savoir-faire, en l'occurrence ça, de découper la viande. Donc c'est pas nouveau, hein, évidemment, les caisses automatiques, les robots, les entrepôts, tout ça dans les entrepôts, voilà, tout ça, c'est classique, quoi. Mais ça s'est accéléré notablement depuis 2020, donc voilà, l'automatisation, ça peut aussi augmenter la productivité à emploi égal. Tout dépend de la manière dont c'est implémenté, bien sûr. Hein. Donc on verra bien si les conclusions qui sont assez pessimistes donc du World Economic Forum sont pertinentes, parce que 2025, c'est quand même dans pas si longtemps. Mais c'est vrai que si on regarde le présent, hein, ce à quoi on s'attend pour la rentrée et les prochains mois, bah, c'est une fin progressive du télétravail généralisé, donc avec un retour au bureau. Et c'est vrai pour les boîtes tech aussi, évidemment, et une chose est sûre, c'est que rien ne sera plus jamais comme avant. Donc tu parlais d'Apple, et en fait, Apple, avant la pandémie, ils voulaient quasi pas entendre parler de télétravail. Aujourd'hui, Apple promeut un modèle de travail hybride, avec présence sur site lundi, mardi, jeudi, obligatoire, et le reste, bah, éventuellement remote. Et c'est quand même une rupture énorme, hein, avec la position d'Apple et de probablement à peu près tout le monde finalement avant la pandémie. Et pourtant, bah, il semble que ce soit pas encore assez, parce qu'il y a un nombre significatif de gens chez Apple qui ne veulent plus revenir en présentiel et rester en télétravail indéfiniment. Alors, c'est dur à dire combien, parce que bon, si on prend les 1749 personnes qui ont répondu au questionnaire Slack, c'est 90%. 90% qui indiquent que la flexibilité est importante. Il y a plus d'un tiers même qui indiquait qu'ils disaient qu'ils pourraient être amenés à démissionner, hein, s'ils devaient revenir en full présentiel. Donc, on ne peut pas vraiment dire, hein, si ces 1749 ouais. personnes sont représentatives des quand même 147 000 employés Apple. Mais c'est une tendance qui est apparemment générale. En mars dernier, Amazon a eu des réactions d'employés qui étaient très similaires, alors que Microsoft avait une position plus souple. Il avait évalué que 73% de ses employés voulaient de la flexibilité. Donc certains employeurs affirment que 7 nouvelles recrues sur 10 maintenant mentionnent le télétravail comme étant quelque chose d'important, voire une priorité. Il y a même qui insistent pour l'être à 100%, quoi. Alors c'est TalentMind spécifiquement, qui est un recruteur de Seattle, qui affirmait ça, dans Bloomberg. Alors, c'est à tel point d'ailleurs qu'Anthony Klotz, pour NBC News, voyait venir le temps de ce qu'il appelait une grande démission. Voilà, comme la Grande Dépression, il y a la Grande Démission. Donc déjà, il y a ceux qui étaient borderline, hein, et qui pour une raison ou une autre, avant les confinements, voulaient ou songer à partir, et qui n'ont pas pu le faire bien pendant le confinement, mais qui vont passer à l'action à la réouverture. Et en fait, ça, c'est à peu près 6 millions de gens, si on regarde le différentiel donc du manque de démissions, en gros, qu'on n'a pas eu en 2020 par rapport au 2019. Et là, il y a déjà eu 4 millions de démissions, donc c'est quand même assez, assez énorme, en fait, hein, dans une petite fenêtre temporelle. Et puis bon, voilà, il y a eu les confinements et le télétravail. Hein, donc télétravail, en gros, soit ça s'est mal passé, à base de burn-out, voilà. Soit il s'est bien passé, à tel point qu'on ne veut plus revenir à la vie d'avant, ou parfois il a juste donné le temps de réfléchir à des priorités, voilà, à ses priorités, de se former à autre chose, parfois, et dans tous les cas, bah, y a quand même un risque accru de démission. Et alors, NBC avance le chiffre assez hallucinant de 95% de gens qui songeront à changer de boulot, et même carrément de secteur économique. Bon, après, ça dépend comment était posée la question, et quand tu songes à changer moi, de boulot, ça peut être assez bizarre. Ouais. Mais bon, voilà. Alors, il y a un petit boom de l'emploi quand même, hein, qui est dû au rebond économique post-pandémie, même si c'est très prématuré de parler de période post-pandémie. Il y a quand même voilà, la vaccination hein, qui permet une réouverture relativement rapide de quelques secteurs, pas mal de secteurs même. Hein. Donc, aux US, on voit clairement un boom de la demande pour des serveurs, des femmes de ménage, des vendeurs, et c'est logique, hein, puisque en gros, c'est tous les jobs qui ont disparu avec les confinements. Et donc, il y a quand même 9,3 millions de postes à pourvoir aux États-Unis, c'est au dernier chiffre, ce qui est assez phénoménal. Bon, tout ça, c'est assez spécifique aux US d'ailleurs, hein, mais je pense pas qu'il y ait les mêmes proportions ici, mais je pense que même en France, il y a quand même, voilà, clairement un avant et un après, quoi. Hein. Je sais pas, toi, ce que t'en penses. Alors, c'est vrai qu'en oubliant les chiffres qui sont sans doute très, voilà, qu'il faut prendre quand même avec des pincettes, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un avant et un après? Est-ce qu'il ouais, y a eu des changements comme ça, des lignes de faille, comme on dit? Ouais, les gens ont touché du doigt quelque chose qui semblait probablement inconcevable pour eux, et les mouvements de société entre collaborateurs font que, bah, nécessairement, c'est un mouvement qui changera la donne durablement. Je pense qu'il y a plein de boîtes qui n'envisageaient, bon, à l'image d'Apple, hein, mais je crois que c'est assez représentatif, qui n'imaginaient pas le télétravail et qui maintenant peuvent l'envisager. Déjà, c'est un chouette mouvement. Après, j'ignore pas non plus la difficulté que ça peut être pour des personnes. Moi, j'ai vécu, je t'avoue, et je prends mon petit témoignage comme étant une possibilité. Je suis pas en train de dire que c'est représentatif ou significatif. En tout cas, c'est mon témoignage. Mais j'ai vécu le travail à distance de manière parfois compliqué, surtout quand tu te retrouves dans des situations où bah, ta maison elle est pas faite pour, hein, le fait que tu pètes en travaux, le fait que ce soit pas optimisé pour passer autant de temps chez toi, et que tu doives garder des enfants, en fait tu as tendance à tout faire mal. Donc je pense que ce mouvement, globalement, il est enclenché, et c'est évident que les entreprises pourront pas faire comme avant. Maintenant, je peux aussi regarder d'un œil un petit peu curieux en disant que... quand j'entends des collaborateurs qui disent « on peut plus revenir en arrière », au fond, pourquoi on pourrait pas revenir en arrière? Effectivement, qu'on fasse preuve de flexibilité pour s'adapter aux futures crises sanitaires qui vont arriver, parce qu'évidemment qu'il y en aura d'autres, tôt ou tard, il y en aura d'autres, c'est beaucoup de bon sens et c'est quelque part responsable de la part d'une entreprise de se pencher sur le sujet. Maintenant, de le mettre en place systématiquement, je vois pas pourquoi ça devrait être un automatisme. Je pense par contre que ça va être des critères qui vont faciliter le fait d'aller choisir une entreprise plutôt qu'une autre, et ça va accroître la concurrence dans le recrutement pour les collaborateurs, puisque tantôt, ils vont être intéressés par certaines entreprises qui vont avoir des conditions de télétravail qui leur seront mieux appropriées. Et donc, ça va sans doute engendrer encore plus de concurrence dans le recrutement de certains collaborateurs pour certains profils. On verra ce que ça donnera. En tout cas, Guillaume, tu en parlais, il y a de l'automatisation à tous les niveaux. Tu as donné des exemples assez parlants. J'avais pas identifié ce double grille de burger, là, ce double grille de steak, mais c'est une super très idée. Malin. C'est une super idée, c'est très malin. Et tu vas nous parler aussi de l'automatisation dans le monde du développement, Guillaume. Ben ouais, c'est un petit peu partout, donc l'automatisation est pas seulement sur les boulots les plus manuels, hein, entre guillemets. Moi, je me souviens de Pod qui disait que les outils de dev ne cessaient de devenir plus sophistiqués à tel point qu'il avait besoin de moins de temps, enfin, qu'il avait même besoin de moins de gens, en fait, hein, pour faire la même chose qu'il y a 5 ou 10 ans. Mmh. Ben, ça continue, hein, puisque GitHub dévoile son copilote, qui est, pour faire simple, un système d'autocomplétion pour Visual Code. Mais c'est un système d'autocomplétion vraiment chargé aux stéroïdes, hein, puisque au lieu de compléter le nom d'une variable, voilà, d'une fonction, comme on a quand même l'habitude, hein, ben, copilote, il écrit carrément les fonctions entières, complètement. Donc il faut l'imaginer comme une sorte de GPT-3, mais adapté pour le code. Donc GPT-3 pouvait déjà pisser du code, mais c'était pas vraiment sa spécialité. Ce truc-là, il est fait pour. Donc là, en gros, il faut imaginer que, comment ça se passe, voilà, vous êtes dans votre Visual Code, vous mettez un commentaire, là, //, avant pour dire ce que vous voulez faire, voilà, donc par exemple, je sais pas, énumérer les jours de la semaine, et après tu commences à taper en ce que tu veux, Python, Java, PHP, et Copilote, lui, va écrire le code qui correspond, il va te le suggérer, hein, évidemment. Donc, et le truc, c'est qu'il prend plus le contexte du code. Donc tu vois, si tu écris donc cette fonction si donc tu choisis cette fonction pour les jours de la semaine, par exemple, après il va s'attendre à ce que tu fasses pareil pour les mois, tu vois, parce qu'il est dans un certain contexte. Si tu définis un utilisateur et que tu commences à écrire en mode d'un nom par défaut, Bah donc il va te pondre la ligne, et ensuite il va comprendre, enfin, en tout cas il va supposer que tu veux aussi définir d'autres paramètres classiques comme le prénom, l'âge, etc. Donc c'est assez impressionnant, il y a des vidéos hein, qui montrent ça, et franchement c'est assez bluffant. Bon, évidemment le truc va pas tout faire, il va pas tout faire bien non plus, d'ailleurs GitHub n'assure pas que le code produit va marcher, ou même simplement se compiler, c'est-à-dire c'est vraiment un truc qui est généré, et bon, il y a toutes les chances que ça soit du bon code, mais c'est pas complètement certain. Donc il peut totalement se planter. On sent quand même un potentiel hein, pour accélérer les tâches ingrates, tu vois, les blocs de code stéréotypés, ouais. Ce genre de trucs. Est-ce que ça sera vraiment utile aux pros ? Est-ce que ce sera plus proche d'un copilote ou d'un pote un peu bourré sur le siège passager qui essaie de lire la carte routière du Cantal ? Je sais pas. Est-ce que ça va pas multiplier des erreurs dans le code ? Je sais pas, parce que le code, c'est subtil quand même, hein, on ne dirait pas, mais le choix d'un type de variable ou un autre, tu vois, par exemple, ben, ça peut être crucial. Là, pour un type de variable, la suggestion peut marcher à 99%, et après, il y a 1% des cas, ça marche pas, tu passes 10 heures dessus et essayer de comprendre pourquoi. Bon, je sais pas, c'est faut voir, ça a du potentiel, mais il faut quand même être bon, toujours très, évidemment très prudent. Pour le moment, le truc est plus à l'aise en Python, en JavaScript, Ruby et Go, apparemment, mais il peut sans doute donc... Enfin, il connaît d'autres langages, mais enfin, il est un petit peu moins doué. Bon, il peut sans doute... aider du coup dans les cas faciles, hein, mais évidemment c'est toi qui restes pleinement responsable de ton code. Donc Copilot ne menace pas encore la moitié des jobs de codeurs, hein, faut pas exagérer. Puis de toute façon, il reste un domaine où il ne sera jamais à la hauteur. Ce domaine, c'est le COBOL. Ben, c'est pas une blague, hein. Tu sais que 9 grosses boîtes sur 10 seraient inquiètes de la disparition du savoir-faire relatif aux vieilles machines. Quand je dis vieilles machines, c'est 70-80, tu vois, c'est vraiment c'est des trucs, c'est pas Windows 95, c'est bien avant. Donc parce que ces vieilles machines, en fait, ils en ont encore, et elles tournent sur de vieux programmes. Donc des programmes en COBOL, qui seraient le plus... Mais en fait, le COBOL, limite, c'est le plus mainstream, tu vois, c'est la grosse star, le COBOL. Parce qu'en fait, il y a encore d'autres trucs. Est-ce que tu connais CAGEN, PL1, Natural, CATelon? Ben voilà, ben, en tout cas, ben, oui, si c'était le cas, ben, tu auras un boulot à vie, tu vois, tu auras carrément une carrière assurée, quoi, parce que c'est clair que ces vieux machins, parfois, sont même carrément programmés en assembleur, d'ailleurs. Mais même se former sur ces langages-là doit pas être si évident que ça, j'imagine. Non, parce que les facs, ça fait très longtemps qu'elles n'enseignent plus le PL1, ni même le COBOL, d'ailleurs. C'est un peu le latin de notre français, quoi. Ça commence à devenir des langues mortes de l'informatique. C'est un vrai sujet. C'est vrai. Ben, non, mais alors, COBOL, pas encore tout à fait, mais il y a de moins en moins de gens qui le parlent. C'est un petit peu comme le Navarro, quoi, ce genre de truc. Et puis, bon, voilà, effectivement, encore que le latin, il y a beaucoup de gens qui le parlent pour une langue morte, je trouve. C'est vrai, t'as raison. Mais voilà, donc t'imagines que les vieux machins sont programmés en assembleur et que le dernier mec à maîtriser le langage de la machine, d'une machine qu'on a arrêté de fabriquer à 35 ans minimum, hein, ben le mec qui fait son pot de départ, là c'est un gros stress, tu vois. Bon, je suis sûr qu'il y a des tutos YouTube sur COBOL, donc ça vaut peut-être le coup d'y jeter un coup d'œil. On parlait de changement de carrière, c'est peut-être une idée. Si vous avez du temps cet été, formez-vous au COBOL, ça va être un petit peu l'accroche de cet épisode. Tu parlais de Copilot, Guillaume, je ne sais pas si tu as vu les prises de parole qu'il y a pu y avoir sur AWS InfiniDash. Est-ce que tu connais InfiniDash ? Non, je connais juste le Dash button sur lequel je me suis déjà bien exprimé. Oui, à quel point tu faisais des louanges. Alors écoute, figure-toi que AWS, donc Amazon Web Services InfiniDash, c'est tout simplement un produit qui n'existe pas, qui aurait pu être annoncé un 1er avril, mais il est bien annoncé là, ce début juillet. En fait, ça part d'une blague, justement, de la part d'un développeur, qui d'ailleurs, il voulait souligner le fait que pour lui, l'annonce de GitHub avec son service Copilot, lui considère que c'est un petit peu une boîte noire, et que, en gros, on ne sait pas grand-chose, et qu'elle est disponible pour un nombre restreint de personnes, dont des influenceurs, qui font les fameuses vidéos que tu mentionnais tout à l'heure, et pas pour des développeurs qui, si ça se trouve, n'en entendront jamais parler si c'est au travers de publications en ligne. Et donc, il a lancé l'idée dire il suffirait qu'on annonce un truc comme ça, qui est imbitable, qui est une espèce de vaste blague, un vaste poisson d'avril. Et en fait, ça a vachement bien pris et ça a été pas mal relayé. Donc, je pense que cette annonce de GitHub Copilot, comme beaucoup d'autres choses dans le monde du développement, c'est assez symptomatique de ce qui peut se passer. Je suis pas développeur moi-même, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, qui vont très très vite, et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de prise de recul et beaucoup de mise à disposition pour les développeurs. Parfois, ça me donne l'impression que le monde du développement est noyé sous des annonces à la hauteur de ce qu'on peut avoir, nous, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Tu vois, beaucoup de choses qui soit fonctionnent, mais c'est pas exactement ce qu'on en comprend, et parfois sont pas forcément mises entre les mains des développeurs pour qu'ils se les approprient, mais plutôt annoncées au travers de coups d'annonce qui ressemblent plus à de la com qu'à de la vraie mise à disposition de ressources technologiques. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant, et ne vous faites pas avoir si vous avez des tweets que vous voyez passer qui vous disent que ça tourne avec AWS Infinity Dash. Vous comprendrez qu'évidemment c'est pas un vrai service, mais que c'est quelque chose de très foireux. Ça tourne foireux. Très bien. Ça tourne très bien, bien sûr. Guillaume, on a un petit souci sur les disques durs Western Digital MacBook qu'on a loué dans ReLife il y a de ça quelques années, mais on a déjà commencé à dire qu'il y avait quelques problèmes, il fallait plus les connecter à Internet de peur de perdre nos données. Je crois que ça ne s'améliore pas de semaine en semaine. Ouais, on a pas trop eu le temps de le traiter la semaine dernière, mais c'est vrai que ça a commencé la semaine dernière, effectivement. Que ce soit pour le travail ou pas, c'est vrai que vous avez peut-être un NAS, hein. Moi-même j'ai un NAS, c'est un disque dur réseau, tout simplement. Et donc Western Digital fait les MyBook, que vous suivez peut-être, vous suivez peut-être fébrilement cette actualité qui finalement, de rebondissement en rebondissement, est devenue une espèce de saga, la saga des NAS. Les données de beaucoup d'utilisateurs, tout simplement, se sont évaporées du jour au lendemain, et ça fait très très très très très peur. C'est une sorte de film d'horreur, faut le dire. Je veux dire, tu te réveilles, tes capteurs ou tes données sont envolées, c'est un film d'horreur. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? Leur NAS était accessible de l'extérieur, donc c'est-à-dire d'Internet, et des hackers ont forcé une remise à zéro à distance. Alors comment ils ont fait? Bon, Western Digital a dit qu'ils avaient utilisé une faille qui a été découverte en 2018 et qui affectait certains modèles. Depuis, comme on peut le lire sur Ars Technica, il semble qu'il n'y ait peut-être pas eu besoin de ça, puisqu'il y a eu, pour une raison mystérieuse, dans le système du NAS, il y a un script PHP qui permettait de faire une remise à zéro sans même donner le mot de passe. Ce qui est le plus bizarre, c'est que les lignes de code qui permet de faire la modification, elles étaient présentes, mais elles ont toutes été inexplicablement mises en commentaire. Bon, ça sent l'oubli, on a oublié le truc dans un coin. Bon, c'est un oubli, le problème c'est que les conséquences sont très fâcheuses. Même si c'est pas encore clair quelle méthode finalement les hackers ont utilisé, peut-être l'une et l'autre. En tout cas, la raison pour laquelle ils ont attaqué, elle est pas claire non plus. C'est ça qui est fou, c'est qu'on sait pas réellement ce qui s'est passé. Pourquoi effacer comme ça, tu vois, sans raison apparente, des disques durs de gens anonymes au hasard comme ça, du sadisme pur. Bon, parce qu'on peut. Il existe. J'ai l'impression que sur Internet, la nature a horreur du vide, et quand on peut faire quelque chose, il est fait, tu vois. Oui, je sais, il existe des personnes diaboliques, des gens qui ont Satan dans leur cœur, mais enfin quand même, c'est bizarre, parce que Satan, c'est bien, mais le pognon, c'est mieux. Bon, il y a une théorie qui voudrait en fait que ces NAS étaient visés comme botnet. Donc ils auraient pu devenir en botnet potentiel comme ça. Une vulnérabilité aurait pu les transformer en machines zombies, et ces machines zombies, elles sont monnayables, tu vois, leurs services peuvent être monnayés. Bon, une possibilité, c'est tout simplement une fausse manip, le mec s'est manqué, bon, donc il a finalement tout remis à zéro. Et une autre, c'est qu'un groupe qui visait le même groupe de machines, il s'est fait griller la politesse, et finalement, ils se sont dit, bah écoute, je vais faire terre brûlée, ils ont tout effacé dessus en représailles. Bon, c'est peut-être un règlement de compte, en fait, hein, dont les pauvres utilisateurs se retrouvent au milieu. Bon, dans tous les cas, évidemment, il faut virer l'accès. Il virait l'accès Internet, hein, je veux dire, de votre NAS, si jamais vous en avez un. Western Digital va mettre à disposition un logiciel de récupération des données, parce que bon, tout a été éliminé, mais c'est pas non plus un truc trop profond, donc il y a peut-être des choses à récupérer. Donc espérons que ça aide les malheureux qui ont perdu plusieurs téraoctets de données, donc ça veut dire des mois, des années peut-être de travail ou de souvenirs. Et les pauvres, c'est vrai quand même. J'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu plus en détail des NAS sous deux angles. Déjà, tu nous dis que tu es équipé d'un NAS. Alors, comme tu as commencé à te mettre à nu dans le dernier épisode et que tu nous as donné la config de ton PC, je veux bien que tu nous dises quel NAS tu utilises. Et puis derrière, tu nous dis aussi couper l'accès à Internet. Alors, je voudrais être sûr de comprendre ta préconisation. Est-ce que tu préconises que aucun des NAS qu'on peut installer à domicile ne soit relié à Internet? Oui, bah, mon NAS, il est dans mon réseau interne, à la maison. Donc ouais. C'est une Lassie Cloudbox, hein, tout simplement, si vous voulez savoir. Donc c'est un NAS que j'ai depuis un petit moment déjà, ça fait un bail. Et donc c'est un truc Ethernet que je branche à ma box, et donc je peux l'utiliser à l'intérieur. Mais il n'est pas accessible par Internet, c'est accessible de l'extérieur. Si vous rendez une machine accessible de l'extérieur, fatalement elle est beaucoup plus exposée, puisque voilà, vous devez dire à votre box, ok, fais un trou dans le firewall, et donc le... Alors, ce que vous voulez, hein, FTP, web, bon, ça dépend des trucs, mais en tous les cas, sur un port, disons, spécifié, vous laissez passer le trafic. Et donc, fatalement, il est possible que quelqu'un scanne des IP, se dise « Ah tiens, il y a un port ouvert, tiens, je vais aller fureter, je vais aller voir s'il y a un problème, s'il y a une vulnérabilité, etc. » Donc, évidemment, si vous avez quelque chose sur Internet, il est susceptible de se faire taper dessus par des voyous. Donc... C'est normalement ça pose pas de problème si le truc est bien sécurisé, mais effectivement, bah oui, il y a toujours un risque. Hein. Les gens qui utilisaient les Western Digital, ils ont passé des années à le faire sans aucun problème, et puis voilà, une vulnérabilité apparaît. Voilà, le risque zéro n'existe pas. Donc évidemment, si vous n'avez pas strictement besoin d'accéder à vos données de l'extérieur, c'est-à-dire d'internet, de l'extérieur de votre domicile, bah, désactivez l'accès tout simplement et ne le gardez qu'en local. C'est vrai que c'est vexant parce que un des intérêts du NAS, c'est aussi de pouvoir aller dans la famille, chez les amis et de pouvoir montrer les photos que tu as sur ton NAS à distance et de pouvoir les partager comme ça. C'est un des intérêts d'un NAS qui paraît un peu trivial, mais de pouvoir accéder de partout à ton contenu qui est hébergé chez toi, surtout avec la fibre, ce qu'il permet aujourd'hui. Et naturellement, moi, si je devais me tourner vers cet usage, ce que je fais pas. Peut-être que c'est ce que tu allais dire, désolé, mais effectivement, ce que je sous-entends, c'est que quelque chose qui expose Internet est en danger. Ouais. Ce qui veut dire, on ne met pas ses bijoux de famille en danger. Je veux dire, tu les mets pas, tes bijoux de famille, tu les mets pas sur le trottoir, tu vois, je veux dire, bon, donc c'est pareil. Tu peux avoir un NAS pour partager des choses que tu mets sur Internet, mais pas une sauvegarde de toute ta vie que tu mets comme ça un accès sur Internet. Ça, c'est pas très prudent. Bon, on est d'accord, effectivement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus acheter des disques, des NAS Western Digital ou des NAS en général, mais voilà, soyez aussi soigneux sur les usages que vous en faites et mettez en regard les rapports risque-bénéfice comme d'habitude. On en reparlera peut-être. Il y a un épisode sur les NAS que vous pouvez retrouver dans le flux du podcast qu'on avait dû enregistrer l'an dernier avec l'ami Gaëtan. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous invite à aller sur techcafé.fr, vous tapez NAS dans le champ de recherche et vous allez tomber sur cet épisode. Il faudra que je le réécoute pour voir s'il mériterait d'être réactualisé. Le truc, c'est que souvent les NAS sont de grosses capacités. Donc on a tendance à les utiliser comme des backups, comme des sauvegardes. Ouais. Mais si tu fais ça, il ne faut pas le mettre en ligne. Tu ne mets en ligne que des trucs qui peuvent être grillés. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ça peut être intéressant d'avoir deux NAS éventuellement pour des usages différents. Bon, ok. Vous avez suivi les précos autour de l'actualité sur les Western Digital. Allez, on change de rubrique que tu as cette fois-ci savamment intitulée « Plus c'est gros, point de suspension ». Je vous laisserai compléter le titre. C'est au choix. Oui, tout à fait. Il y a plein de possibilités, vous allez voir. On va commencer par parler forcément de ransomware, Guillaume. Oui, alors je sais, moi aussi j'ai l'impression que toutes les semaines je dis pareil, mais bon. Mais c'est le show de l'actualité, les ransomware, c'est chaud. Ben oui, et puis on bat des records toutes les semaines, moi qu'est-ce que j'y peux ? Donc cette fois, c'est quand même un putain de record, si j'ose dire. Puisque c'est Revol, encore, bon, ransomware, encore, c'est vrai, mais là, c'est la plus grosse campagne qu'on ait jamais vue, je pense, puisque le groupe se vante pas moins d'un million de victimes, et demande une rançon de 71 millions de dollars. Alors, le million... Bon, on ne sait pas à quel point c'est exagéré, mais par contre, on sait qu'il y en a plusieurs milliers, ça c'est sûr, donc c'est du lourd. Le FBI s'est plus donné de la tête, hein. Tous les secteurs sont concernés, finance, tourisme, secteur public. Il y a la chaîne Coop en Suède qui avait 800 magasins paralysés, il y a des stations essence, des pharmacies. Mmh. En fait, en majeure partie, c'est des petits business. Alors pourquoi des petits business ? Parce que beaucoup avaient en commun d'avoir recours à des prestataires de services hein, qui utilisaient des outils de management de Kaseya. Apparemment, VSA, qui est un outil d'administration à distance, aurait été hacké par Revol. Et ils auraient trouvé une faille 0D, quoi. Hein. C'est dommage. C'est une faille 0D que l'Institut hollandais des vulnérabilités était sur le point de rendre public. Pas de bol. Patatra. Et donc, ils l'ont fait avant. Donc, d'après Kevin Beaumont, en fait, le ransomware arriverait chez les victimes via une update Kaseya. Et comme VSA, c'est un outil d'administration, bah, il a tous les pouvoirs. Et donc, bah, quand il a tous les pouvoirs, c'est très facile de tout chiffrer. Donc, l'attaque de Kaseya a commencé très opportunément vendredi dernier, hein, c'est le week-end du 4 juillet. Et les rançons vont de 45 000 à plusieurs millions de dollars. Et donc, il y a un forfait d'échiffrement à 70 millions. Ouais, je sais pas si tout le monde se cotise, je sais pas trop comment ça marche. Bon, écoute. Qu'il ne faut pas payer, hein, on rappelle la préconisation. Enfin, donc, c'est même à se demander si Revol n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre, parce que je sais pas comment ils gèrent ça. Ils ont des milliers de victimes, je sais pas comment ils gèrent ça, ça doit être un enfer, en fait, même pour eux, je comprends pas. Et en plus, ils attirent toute l'attention sur eux, tu vois, ils font monter les tensions américano-russes d'un cran encore, comme si c'était pas nécessaire, tu sais, franchement. Donc ouais, c'est un petit peu bizarre, cette histoire, mais apparemment, c'est la plus grosse campagne de l'histoire, j'ai l'impression. Encore une fois, hein, c'est toujours le même sujet. Quand c'est possible, c'est fait. Et on peut aussi souligner la description que tu avais faite il y a deux épisodes, remontée de deux épisodes dans le flux du podcast pour écouter la partie où Guillaume faisait un panorama un petit peu de ce que c'était que l'univers du ransomware de par ses acteurs. Et voilà, ne vous imaginez pas que c'est trois mecs à capuche qui font une attaque, mais c'est évidemment toute une logistique bien plus compliquée. Et j'imagine qu'effectivement, quand ces logistiques sont bien mises en œuvre, que les victimes peuvent être très très nombreuses. Un autre gros, c'est Windows 11, dont on a largement parlé dans le dernier épisode, mais on en reparle un petit peu, là, cette fois-ci, sous l'angle de sa compatibilité avec le matériel. Et en l'occurrence, on peut l'installer assez facilement partout, Guillaume. Alors, comment ça se fait qu'on peut l'installer partout, alors qu'on a dit justement que Microsoft était très exigeant pour installer Windows 11? Oh, parce qu'il nous prend pour des cons. Non, je sais pas. Oh, dis donc. Écoute, Microsoft n'est pas encore revenu sur ses exigences matérielles pour Windows 11. J'y crois encore. Exigences matérielles qui ne sont pas appliquées donc à la Insider Build, qu'on peut donc librement essayer, sur toutes les machines qu'on veut, et qui montrent donc bien que ces exigences sont pas un sens très, voilà, sont pas très très justifiées techniquement. Alors pour info, c'est le clou, il y en a certains qui sont amusés à installer Windows 11 sur un Raspberry Pi 4 et sur un Lumia 950 XL. Alors, et ça tourne. Raspberry... Bah, le Raspberry Pi fait tourner Windows 10, donc c'est pas super étonnant. Ouais. Le Lumia, c'est vrai que c'est marrant. Alors, les moins de 20 ans, ce qui nous écoute, ne savent peut-être même pas ce que c'est que Lumia, et on les pardonne volontiers, puisqu'il s'agit d'un des derniers Windows Phone qui date de 2015. Donc à l'époque, les téléphones avaient leur propre version de Windows, mais aujourd'hui, il semble que Windows 11 on ARM, donc, tourne sur le Snapdragon 810 qui équipe le téléphone. C'est-à-dire 4 cœurs Cortex A57 à 2 GHz, en 20 nanomètres, c'est une puissance qu'on retrouve aujourd'hui dans des téléphones à 100 balles. Mais un Core i7 Kaby Lake, c'est pas possible. Bon, écoute, je vous laisse juger. Bon, ça tourne probablement sur ton toaster, Guillaume, effectivement. Mais ils voudront pas qu'on l'installe parce que c'est pas assez sécurisé. Allez, un petit mot sur iCloud, puisque, alors bon, il y avait certains aspects dont on se doutait, mais là, on a eu des informations qui nous permettent de mieux mesurer les choses. Donc, au sujet de iCloud, donc vous savez, hein, le service cloud d'Apple, in fine, il s'avère qu'il y a énormément de quantités d'iCloud qui sont tout simplement sur des serveurs de Google, Guillaume. Pas seulement, mais effectivement, qui est le plus gros client de Google Cloud, et de loin, eh ben c'est Apple, et voilà, avec un contrat de 300 millions de dollars pour stocker, tiens-toi bien, 8 millions de teraoctets. Bon, moi je réalise pas du tout ce que c'est. Est-ce que tu pourrais nous dire en disque dur Western Digital NAS ce que ça représente? Enfin, ça dépend de leur taille, tu me diras. Ben, exactement, mais à peu près 8 millions de... parce que je sais pas, c'est les NAS de 1, 2, 3 tera, enfin 4 tera, je sais pas, ce genre de truc. Bon, moi à leur place, je ferais du chia, tu sais, je farmerais du chia. Oui, c'est vrai. Ça, oui, serait génial. Et ben, en fait, j'ai calculé, figure-toi, pour rigoler, j'ai calculé combien ça ferait si tu formais du chia sur 8 millions de teraoctets. Et ben, le chia a énormément baissé, figurez-vous, parce que là, il est en dessous de 300 dollars. Et donc, si tu utilises 8 millions de teraoctets, tu gagnes 58 000 chia par mois, ouais. Soit à peu près 16,6 millions de dollars. Donc, sur un c'est an, pas tant que même ça, pas 200 millions. C'est ça, même pas 200 millions sur un an. Donc, ça couvre pas les frais. Bon, je suppose qu'il y a d'autres services que le stockage dans les 300 millions pour Google. Hein. Oui. Mais donc, oui. Voilà. C'est... Donc, ne minez pas du chia, enfin, ne farmez pas du chia sur 8 millions de teraoctets. Hein. Ça, c'est pas très rentable. Si vous êtes Apple, voilà, vous avez d'autres trucs à faire avec. Et donc, iCloud, c'est Google Cloud derrière, mais en plus, alors, il faut savoir que Apple a vu son besoin de stockage augmenter de 50%, et donc, il a besoin d'aide, en fait, de beaucoup d'aide. Alors, parce qu'il a ses propres serveurs, mais il fait aussi appel à Google, mais aussi à AWS. Donc, il est vraiment mort de faim, en fait, pour une croissance absolument incroyable de ses ressources. Quoi, c'est très impressionnant. Quelque part, c'est rassurant de savoir que même Apple ne met pas tous ses œufs dans le même panier concernant le stockage, et quelque part peut répartir aussi. De toute façon, ils n'ont pas le choix, comme tu le dis, donc ils le font forcément. Mais c'est pas très Apple, effectivement, de confier autant de volume ailleurs, même si on sait qu'il y a des gros contrats entre ces entreprises. On pourrait reparler de Google Maps en son temps, mais c'est pas les seuls, évidemment. Juste pour apporter la pédagogie ultime sur ce sujet, n'allez pas en déduire que Google peut lire les données qui sont stockées sur iCloud. Hein. Évidemment, les données sont chiffrés, et quand on héberge un contenu, c'est pas pour autant qu'on peut le lire. Mais bon. Alors, je le disais en intro, Guillaume, on va peut-être assister dans peu de temps à une révolution, celle des applications sur Android, qui sont pour l'instant distribuées au format, encore une fois, APK. Et Google nous a présenté un nouveau format qui s'appelle l'Android App Bundle, soigneusement raccourci en AAB, forcément le point AAB. Et la promesse, a priori, Guillaume, si j'ai bien suivi, ce serait de réduire le poids des applications qui sont distribuées sur Android. J'ai bon ? Oui. Enfin, c'est leur intention, on est d'accord. Le truc, c'est que c'est un petit peu technique, mais en fait, finalement, c'est assez important. Puis c'est un rapport aussi avec les positions dominantes et tout ça. Tu sais, quand on est dans une ambiance, tout ça, en titreuse, avec Amazon, tout ça, Facebook, machin. Et en fait, les devs Android vont devoir passer à un autre format, effectivement, s'ils veulent passer par Google Play, en tout cas. Donc, depuis toujours, effectivement, on utilise les APK. L'APK, c'est un gros zip dans lequel il y a le code et les données. En l'occurrence, tout le code et toutes les données. Alors, c'est ça le problème. Parce qu'il y a tellement de téléphones différents qu'une appli, en fait, doit prévoir plein de trucs. Donc, il y a les diverses langues, déjà. Il y a les résolutions d'écran. Et donc, pour chaque résolution d'écran, ou en tout cas, pour un certain nombre de résolutions, tu peux avoir des assets adaptés, voilà, des graphismes adaptés. Le cas échéant aussi, tu peux adapter les sons, limite, ou les types de CPU. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans le même APK. Il faut tout prévoir. Et donc, quand tu télécharges un APK, tu télécharges la plupart du temps... Bah tout, donc des trucs inutiles pour ton appareil. Et pour réduire ça, Google veut passer donc à l'AAB, donc l'Android App Bundle. Le principe, c'est que tout le bordel est dans la bundle, donc comme dans l'APK original, mais donc tu donnes ton AAB à Google Play, et à l'autre bout, Google Play, lui, en fonction de la configuration de ton téléphone, puisqu'il la connaît, bah il va créer un APK spécifique pour toi. Donc c'est le site Google Play, sur Internet, dans le cloud, qui crée l'APK, que toi, tu vas télécharger sur ton téléphone et que tu vas installer comme d'habitude. Donc, à la clé, Google, effectivement, annonce une moyenne de 15% de gains en taille pour les APK, donc ils vont être plus petits. Et de son côté, évidemment, puisque c'est lui qui télécharge, voilà, c'est de lui que tu télécharges tout ça, c'est 10 pétaoctets de bande passante économisée en téléchargement par jour. C'est pas neutre. Bah écoute, pour lui, non. Nous, on s'en fout, mais lui, par contre, ça veut dire c'est quand même beaucoup. Donc, tout le monde y gagne, oui. Mais le diable est dans les détails, parce que, en fait, une appli, un APK, ça doit être signé. Bon, c'est logique, hein, seul le dev peut avoir la signature d'une appli, et donc le pouvoir de modifier l'appli, pour la mettre à jour, par exemple. Bon, ce serait catastrophique que n'importe qui puisse modifier n'importe quel APK. Évidemment. Quoi, tu vois. Et jusqu'à présent, c'est exactement comme ça que ça se passait, hein, le dev était le seul à avoir la signature de l'APK, sauf que là, ben, c'est pas le dev qui donne les APK, c'est Google Play qui donne les APK. Le dev, lui, donne un AAB. Donc c'est Google Play qui, avec la bundle, crée les APK qui sont adaptés, donc Google Play doit avoir les signatures des apps. Donc les devs doivent donner à Google les signatures de leurs applications. Or dans le meilleur des mondes, ça se poserait pas de problème, évidemment. Mais imaginons que le serveur Google soit hacké, et que les signatures soient récupérées. Bah, les hackers auraient le même pouvoir que les devs légitimes sur les applis en question. Et bon, Google acquiert du coup aussi le pouvoir de modifier les apps sans que les devs ne le sachent. Bon, il le fera pas, normalement, mais bon, c'est quand même un gros changement. Donc Google met en place des mesures, hein, comme la possibilité de vérifier les hashes pour être sûr que personne ne passe au milieu. Bon, Google est très pressé de mettre ça en place, ça remonte à 2018 en fait, hein, cette annonce. Je pense que les pétaoctets d'économie de bande passante les motivent bien, c'est sûr. Cela dit, c'est indéniable que ça donne encore plus de pouvoir à Google. C'est peut-être un truc qui risque d'être un petit, bah, je sais pas, de peser dans la balance à un moment ou à un autre, on va savoir. Est-ce qu'on pourrait le mettre en perspective du choix de Microsoft, même si c'est évidemment pas exclusivement cette décision qui motive le choix de Microsoft, mais donc le choix de Microsoft pour Windows 11 de mettre à disposition l'Amazon App Store, donc le magasin d'applications Android, mais d'Amazon, qui n'est pas le Google Play Store. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté de la part de Google de faire en sorte que les développeurs développent encore plus pour le Google Play Store et peut-être un peu moins de facilité à distribuer leurs applications sur d'autres stores, parce que aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, un développeur d'une application Android peut très facilement la mettre à disposition sur Google Play, mais aussi sur d'autres magasins. D'ailleurs, il y a plein de développeurs qui ont commencé à les mettre à disposition sur le site d'Amazon. Ok, ça change pas, ça facilite pas les choses. Ils peuvent le faire, ils peuvent quand même créer des APK eux-mêmes et les distribuer ailleurs. C'est pas interdit, c'est toujours faisable. C'est juste que s'ils veulent passer par Google Play, qui est quand même évidemment la plateforme ultra majoritaire, ben il faut qu'ils donnent la clé à Google pour que Google puisse lui créer les APK. Voilà, ce qui pose des problèmes ou pas, mais en tout cas, ce qui est un vrai changement. on suivra ce changement, forcément. On va passer à une rubrique publicitaire. Alors, il n'y a pas de pub dans l'épisode de Tech Café. On n'a rien à vous vendre cette fois-ci. On n'a rien à vous mettre en avant. Par contre, il y a beaucoup d'autres sujets qui tournent autour de la pub, donc on va vous relayer. Allez, on va commencer par Google et Microsoft qui, ça y est, hein, ils sont plus copains. Pendant un temps, ils avaient tous les deux sorti le drapeau blanc pendant plusieurs années. Mais il est grand temps de revenir à leurs origines, à retrousser les manches et à se faire la guéguerre juridique, Guillaume. Oui, c'est super. Enfin, c'est vrai qu'on parle souvent de procès entre plein de gens, mais jamais de procès entre Google et Microsoft, hein, c'est bizarre. Ils s'entendent très bien, c'est pour ça. Et en plus, et pourtant, ils ont plusieurs secteurs en commun, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu, tout simplement, parce qu'ils ont signé un traité de non-agression mutuelle en 2015, vraiment. Bon, c'était à l'époque, c'était vraiment de guerre lasse, puisque à l'époque, ils avaient pas moins de 18 procès en cours, pour toutes sortes de brevets, surtout, et n'importe quoi. Et ça a plutôt bien marché, d'ailleurs, hein, c'était calme. Voilà, le monde était en paix. Mais rien n'était résolu, en fait, puisque, voilà, Google a un moteur de recherche, Microsoft aussi, Google a une régie pub, Microsoft aussi, et ainsi de suite. Et la pub, bah, c'est le cœur de métier de Google, et donc, bah, il recule devant rien pour offrir la meilleure expérience possible à ses clients, quitte à tordre un petit peu la concurrence. On se souvient du scandale du projet Bernanke, bien protégé, voilà, c'est Bernanke, mais bien prononcé Bernanke, et c'est en avril dernier, hein, c'était le Wall Street Journal qui révélait ce système pour permettre aux annonceurs de mieux positionner leurs enchères avec Google Ads. En fait, il y avait un contentieux sur les pubs en ligne qui a émergé après seulement 3 ans de trêve entre Google et Microsoft, parce que justement Google traînait les pieds pour supporter le format de pub de Bing et Search Ads. Donc, pour le pub de Bing, je crois que c'est Search Ads 360, un truc comme ça. Bon, c'est sûrement un truc à 360, quoi qu'il arrive. Mmh. Et donc Microsoft accusait d'ailleurs Google de favoriser sa plateforme aux dépens de Bing, et de fait d'ailleurs de plein d'autres gens, puisqu'il y a plein de gens qui utilisent Bing. Il y a DuckDuckGo, il y a Yahoo désormais, il y a Ecosia, bon. Et bon, c'est là-dessus un petit peu que donc, ça s'est concentré, et c'est là-dessus aussi que le torchon brûle, hein, que la guerre va recommencer, et à la clé, il y a des procès, et à la clé, il y a des révélations rigolotes, hein, des révélations rigolotes pour nous, les podcast tech, hein, et rigolotes pour les juristes aussi spécialisés dans le droit à la concurrence, donc bon, je pense que c'est le pire moment pour faire ça, mais ils vont le faire. ça me paraît être tellement évident que ces deux gros mastodontes vont se mettre sur la gueule, surtout si on sait qu'ils acceptent de se faire la guerre mutuellement, parce que c'est deux gros morceaux qui sont en compétition effectivement sur plein de domaines, et je pense même que ce sont deux acteurs qui sont en concurrence sur des domaines d'entreprise, tu vois, je pense bon, d'un côté aux suites bureautiques d'un certain aspect, même si c'est pas aujourd'hui un gros enjeu, mais évidemment le cloud, bon, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, et comme tu le dis, ça va nous donner des chouettes popcorn pour les prochains épisodes de Tech Café. Est-ce que on aurait pas des évolutions à relayer? Alors on parle de Google avec la Google TV, mais sur la Shield, est-ce que t'as une Shield toi, Guillaume? Non, c'est vrai. Pourtant, c'est une machine qui est très sexy. Je dois l'avouer. Mais bon, la pub, oui, on parle de pub, c'est vrai. C'est la pub. Est-ce que c'est pas un truc bien ambivalent, la pub, quand même, pour nous tous, oui. Là, hein, c'est la colonne vertébrale d'Internet, en vrai, parce que c'est la surtout pour le contenu gratuit, je dirais. Et pourtant, c'est vrai qu'on l'aime pas trop, faut bien avouer. Et ça me fait penser à un sondage que j'avais vu en 2020 qui m'avait vraiment beaucoup étonné. Je l'ai retrouvé pour avoir les chiffres précis. Donc, c'était un sondage Apinio pour The Trade Desk, donc ça a été largement relayé un petit peu partout à l'époque. Et donc, ça interrogeait les Français sur comment était financé Internet à leur avis. Bon, voilà. Donc, on part simple. 66% n'en ont aucune idée. Voilà. C'est ça. J'aime quand on pose une bonne base de départ. Voilà, comme ça, c'est bon. Et alors, 48% ne réalisent pas que la pub est une source de revenus majeure pour les éditeurs. Il n'y en a que 16% qui se rendent compte que sans pub, ben, la plupart des sites seraient payants, tout simplement. Il y a même des réponses qui sont presque mignonnes, puisqu'il y en a 13% qui pensent que ce sont les FAI qui payent le contenu. Il y a 11% qui pensent que Google et Facebook sont littéralement des œuvres de charité, qui rendent leurs services gratuits par pure bonté d'âme. Et qu'on les remercie, d'ailleurs. Et qu'on les remercie, il faut les remercier, évidemment. Et il y a 4% qui pensent que c'est les taxes. Voilà, les impôts qui financent, on nous prend assez... Bon, je sais pas lesquels, mais en tout cas, voilà, c'est les taxes. Donc, la redevance. La redevance, oui, ben oui, je suis con, évidemment. La redevance. Donc écoute, pourtant, c'est pas assez cohérent, c'est 43% des gens ne seraient pas prêts à payer pour aller sur un site web, 32% ne seraient pas prêts à mettre plus de 5€ pour se passer de pub, je présume sur tout internet, hein, je sais pas trop, et 38% admettent utiliser un adblocker quand même, donc ça fait vraiment beaucoup. Pourtant, c'est pas un paradoxe près, les Français, hein, toujours comme d'habitude, ils seraient quand même ravis de financer une partie de leur course, de leur transport en commun, voire de Netflix par de la pub. Bon. Ah bon, après, honnêtement, j'ai l'air comme ça de charrier, mais en fait, je trouve ça assez compréhensible, parce que moi-même, je suis peut-être même un des pires, parce que j'ai commencé à utiliser Internet à un moment où c'était vraiment gratuit. J'ai commencé, bon, pas si tôt que ça, mais enfin, dans les années 90, quoi, mi-90, et bon, voilà, mi-90, début 2000, j'utilisais Internet déjà, et c'était un truc, à l'époque, dans les années 90, qui était largement institutionnel et financé par le capital risque. Tu te souviens, c'était voilà, les business angels qui versaient des valises de billets entières quotidiennement dans le secteur, hein, les eBay, les Yahoo, les Napster, les Google même. Ils ont commencé, il n'y avait aucun business model. Donc à l'époque, voilà, il y avait effectivement pratiquement pas de pub. Mais cette époque, elle était tout sauf durable. C'était, et de fait d'ailleurs, la bulle Internet, comme on l'appelait, elle a explosé et en 2001, puis il a bien fallu trouver des moyens de gagner de l'argent, sans changer les habitudes de conso de la base des utilisateurs qui étaient créés. Parce que moi, j'avais mes habitudes déjà, clairement. Et je dois avouer que dans les années 4, enfin, même dans les années, début des années 2000, je me posais pas la question. Je savais pas tout ça. J'avais pas conscience de tout ça. J'avais pas conscience que les business angels finançaient mon eBay de l'époque. C'était pas un truc qui me venait à l'esprit, tu vois. Et c'est vrai que moi, effectivement, j'ai pris l'habitude d'un Internet gratuit, et donc, voilà, pour ça, me paraissait normal, tu vois, le pli était pris. Mais bon, il fallait bien quand même trouver un business model, et c'est comme ça que petit à petit, on est devenu le produit. Ben, parce qu'il en fallait bien un de produit, tout simplement. Il fallait quelque chose à vendre pour faire tourner le serveur. Alors, ça veut pas dire que la pub doit être la réponse à tout, c'est vrai. Je pense que c'est juste la réponse la plus facile, en fait, tout simplement. Mais bon, personne n'a envie d'être enseveli donc sous les pubs en permanence, surtout là où il n'y en avait pas avant, quoi. Et bon, pour revenir aux news qui nous intéressent, comme évidemment sur Nvidia Shield ou sur, dans les jeux PC. Parce que la Shield, comme tout le monde, voilà, la Shield, comme tout le monde, en fait, plus ou moins, passe d'Android TV à Google TV. Donc c'est un changement d'interface, de philosophie aussi, mais bon. Et donc ça veut dire passer à des pubs, parce qu'apparemment il y a des pubs sur Google TV, donc sur la nouvelle version d'Android TV, Google TV, machin. Ah, il y en a beaucoup, je crois. Enfin, testé moi-même, hein, mais de ce que j'ai vu des retours, il y en a vraiment beaucoup, ouais. Bah, le résultat, c'est un bon review bombing sur l'application Android TV, parce qu'apparemment ça passe mal. Bon, pourtant, des pubs à la télé, c'est pas un truc jamais vu, mais enfin bon. Effectivement, ça passe mal, parce que oui, la Shield TV, c'est quand même un truc premium, quoi, et donc quand tu passes à Google TV, t'as des pubs partout, forcément, ça la fait mal. Ça la fout mal, et bon, ce qui pourrait passer encore plus mal, j'ai l'impression, ou alors complètement crème, finalement, je sais même pas, mais... En tout cas, ce qui va faire réagir, c'est les pubs dans les jeux PC. Parce que désormais, il y a une API pour ça. Et oui, c'est celle de Simulmedia, qui a mis au point une plateforme pour intégrer facilement des pubs dans les jeux PC, ou les jeux consoles d'ailleurs aussi. Alors le but, c'est simple, hein, c'est de faire sur PC comme on fait sur Android, tout simplement, depuis très longtemps. Tu joues, voilà, et puis de temps en temps, paf, on te montre une pub. Le cas échéant, si tu la regardes jusqu'au bout, on te donne une récompense in-game. On te propose des pubs, en fait, pour te donner des récompenses. Donc voilà, il semblerait qu'ils aient évalué que les joueurs accepteraient de regarder jusqu'à 10 publicités par jour s'il y a récompense à la clé. Comme quoi, les récompenses, hein. Bon, enfin, en tout cas, Electronic Arts est à fond dedans. Évidemment, qui s'en étonnera? Je veux dire, je vois... il y a aussi les devs de Smite, d'ailleurs, qui sont à fond dedans. Pour le moment, c'est les seuls que je connais, mais bon. Je vois bien Activision Blizzard adopter ce genre de truc aussi. Hein. Tu les vois briller dans le noir, les petits yeux de Bobby Kotick. Parce que bon, 150 millions de dollars, c'est qu'un début. Bon, clairement, c'est un moyen facile de rentabiliser encore un peu plus les free-to-play. Donc voilà, on fait payer les joueurs qui payent pas. Bon, je pense pas que ces pubs concernent les jeux premium dans un premier temps, hein, évidemment, parce que 80 balles le jeu, si en plus t'as des pubs, je crois qu'il va y avoir des crises. Et d'ailleurs, les utilisateurs de Shield se disent c'est une machine premium, donc ça montre bien que la tolérance envers ce genre de truc a quand même ses limites. Cela dit, pour les free-to-play PC console, ça risque de suivre le chemin d'Android très très prochainement. Bon, après... Juste pour finir, il faut aussi voir le bon côté des choses, tu sais, ça peut aussi servir à rapporter un peu de fric aux petits studios. En essayant d'être un minimum optimiste, tu vois, t'es un petit studio, si tu fais payer ton jeu, bah, t'auras moins de clients que si tu le fais pas payer, et si tu mets des pubs, tu peux quand même un peu le rentabiliser. Bon. Je sais pas. Est-ce qu'il va falloir attendre un adblock pour Origin? Je sais pas, c'est possible. C'est très intéressant que tu aies commencé par l'angle de la perception par les utilisateurs de la publicité. Juste un mot pour Electronic Arts qui a démenti de leur côté, hein, je sais pas si tu l'avais vu, mais ils disent « Suite à des rapports incorrects suggérant que nous cherchons à introduire des publicités dans le style télévisé de nos jeux, nous voulions clarifier la situation et indiquer que la publicité dans les jeux sur console n'est pas quelque chose que nous examinons actuellement, ni que nous avons signé via des accords pour les mettre en œuvre. » Donc bon, ils démentent, mais on imagine bien que s'il y a un mouvement global, ce sera parmi les premiers. premier. À la... Bon, ils ont démenti. Là, donc PC, oui, alors, effectivement, tu as raison. Là encore une fois, le diable se situe dans les détails, mais bon, on verra de toute manière. C'est vrai que c'est très facile de critiquer la publicité. Et puis on peut le voir aussi de notre côté. Tu vois, il y a de la pub maintenant au début de Tech Café, pas dans tous les épisodes. Mais c'est là où je trouve que le modèle d'un Patreon, alors qui permet pas de faire vivre des gens encore aujourd'hui pleinement, mais est un modèle très sain. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est de la viabilité, parce que tu disais tout à l'heure que la pub, c'était le moyen le plus facile, mais c'est le moyen le plus facile et le plus efficace, je pense, quand tu as un média en ligne pour générer des revenus. Donc cette double qualité fait de la publicité probablement le moyen de financement qui sera préféré encore longtemps, et on va très vraisemblablement le voir arriver partout. Là où je suis satisfait sur le domaine de la pub, Guillaume, c'est quand je me rappelle à chaque fois de cette offre, dont je me rappelle plus le nom, mais de Bouygues Télécom à l'époque, qui te proposait à l'époque des cartes prépayées dans tes lignes sans abonnement, le fait d'avoir alors soit tant de temps de communication par téléphone mobile, soit le double, mais à condition que tu écoutes une publicité avant d'appeler. C'est un modèle qui n'a absolument pas marché, et quelque part, ça, je pense qu'on peut se satisfaire de voir qu'il y a des limites quant à l'utilisation de la pub pour le grand public. Le grand public n'est pas prêt à tout en matière de pub. Ça nous rappelle même certains épisodes de Black Mirror, d'ailleurs. Allez, on passe à la rubrique jeux vidéo. On parlait d'Electronic Arts et de la pub dans les jeux vidéo. On va parler de Sony, qui fait son shopping en ligne, Guillaume. Ouais, on parle de pub et de jeux vidéo. Il est ressorti la semaine dernière d'ailleurs que Sony n'était pas très facile à vivre pour les petits développeurs indépendants. Il y a plusieurs d'entre eux qui se sont exprimés sur le fait que des trois consoliers, Sony est le pire. En ce qui concerne quoi ? La communication finalement et la mise en avant des petits titres. Ça confirme un petit peu ce qu'évoquait Cassim, hein, c'est-à-dire que Sony se concentre de plus en plus sur ses blockbusters, les jeux AAA, et puis néglige un petit peu les petits studios qui ont du mal à exister. Donc il semble que ça coûte 25 000 $ hein, pour avoir une chance d'être découvert sur le Play Store, et encore c'est vraiment un minimum. Alors que bon, Microsoft et Nintendo, ils font un peu tourner les nouveautés, ils mettent en avant les jeux promos automatiquement, tu vois. Les promos, par exemple, tu peux demander des promos quand tu veux sur Switch, mais chez Sony, non. Il faut attendre que ça vienne de Sony, quoi, j'ai l'impression. Bref, 30% de commission, ça passe quand même assez mal chez pas mal de studios, et les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes, hein, puisque si tu prends les deux exemples qui sont donnés, il y en a un, c'est Matthew Wright, et il y a Christian Botea, qui donc viennent de deux studios indés différents, et qui indique que leur part de revenus venant de PlayStation, elle est carrément ridicule, quoi. C'est 3% pour l'un, 0,3% pour l'autre, alors que le premier fait 60% de ses ventes sur Switch, alors, et l'autre 91% de ses ventes sur Steam. Donc il serait plus facile d'exister sur Steam que sur PlayStation, c'est quand même assez incroyable, qui l'aurait cru. Donc aucune plateforme n'est parfaite de toute façon, mais de toutes, il semble que celle de Sony soit la plus difficile, hein, si vous n'êtes pas studio AAA. Donc Sony, qui vient d'ailleurs de s'offrir Housemarque, donc le studio derrière Returnal, il s'est aussi acheté Nixxes, qui est spécialisé dans le portage de jeux PC, et il se murmure qu'il pourrait racheter Bluepoint, qui sont les masters du remaster. Donc voilà, Sony étoffe son portefeuille de studio, bon, il reste loin de la folie de Microsoft, ils sont quand même beaucoup plus parcimonieux sur les rachats. Bon, si, par contre, il va falloir, il va falloir y aller dans le rachat, puisque je sais pas si t'as vu, mais Ghost of Tsushima Run Director's Cut. Ouais. Donc, j'ai eu du mal à comprendre, j'ai juste vu le titre, mais c'est quoi un jeu en Director's Cut ? Ça veut dire que t'as des contenus en plus ? Parce qu'un film dans en Director's cas, Cut, oui. Je peux comprendre, mais... Oui, oui, bah là, en fait, ça veut strictement rien dire en Director's Cut, pour un jeu très honnête. Ça me rassure. Ça veut strictement rien dire. Là, ça veut juste dire que c'est une version de Ghost of Tsushima qui est optimisée PlayStation 5 et qui... Okay. À un DLC intégré sur une île supplémentaire, donc du contenu en plus. Et ce contenu, il sera payant. Alors, le truc, c'est qu'en fait... Est payant même si t'achètes la version Director's Cut ? Non, la version d'origine. Ah, d'accord. En fait, le truc, c'est que, voilà, donc Ghost of Tsushima, tu peux l'avoir sur PlayStation 4. Mm-hmm. Si tu l'as sur PlayStation 4, tu peux y jouer sur PlayStation 5 en rétro-compatibilité. Par contre, les améliorations PlayStation 5, elles font partie de la Director's Cut. Et pour avoir cette Director's Cut, il faut payer soit... l'acheter la Director's Cut à 80 balles, soit payer 30 balles si tu es déjà possesseur de Ghost of Tsushima d'origine. Ok, c'est très clair. Alors, le problème, c'est que, bon, donc, c'est très clair, c'est un petit peu rat. Ah, mais oui. Parce que, bon, je veux dire, autant, je comprends que le DLC, la nouvelle île, soit payante, pourquoi pas, mais ils auraient pu mettre les améliorations PlayStation 5 gratos, directement téléchargement, comme ça se fait sur Xbox One. C'est un petit peu, voilà. Donc, c'est un petit peu rat. Bon, évidemment, c'est sans doute moins rentable aussi pour Sony. Bon, il s'est pas très commerçant, on va dire. Après, c'est pas le seul, Sony, à être pas très commerçant, puisque le truc le plus ridicule que j'ai vu cette semaine, je pense que c'est à Ubisoft qu'on le doit, c'est assez édifiant. Donc, on commence par le scandale. C'est le scandale Might and Magic 10, enfin X, je sais pas exactement, je pense que c'est Might and Magic X, peut-être. Je sais pas si t'as vu ça. Non, je l'ai pas vu du tout. Par tu contre, connais... je me rappelle avoir joué à Might and Magic, mais je me rappelle plus quel numéro. On peut vite s'y perdre, mais j'avais adoré à l'époque ce que j'avais fait. C'était très agréable. C'était c'est pas tout jeune. Ouais. Il y avait deux visions. Alors, c'est peut-être toujours pareil d'ailleurs sur les Might and Magic, hein, mais il y avait la vue château où tu faisais évoluer tes personnages ou tes tours, je me rappelle plus. Et après, t'avais des versions combat. Oui, j'aimais beaucoup. C'était Heroes of Might and Magic. Ah oui, pardon. Ah bah très bien, je confonds complètement. Ok. Ouais, parce que Might and Magic, c'est un dungeon crawler qui est très ancien. Ah oui, c'est ça, je confonds. Et après, c'est devenu un jeu donc tactique, tour par tour, machin. Voilà, donc ça, c'était Heroes of Might and Magic. Ouais. Et donc Might and Magic X Legacy, c'est un dungeon crawler hein, qui reprend en fait les bases des anciens, voilà, avec évidemment un truc un peu plus modernisé. Mais enfin bon, c'est rétro old school, quoi, on va dire. Et bon, ce truc Great Old School, donc faut voir que c'est quand même voilà un jeu de dungeon crawling old school. Eh ben, il nécessitait une connexion permanente, alors que voilà, c'est un dungeon crawler solo, donc c'était complètement ridicule. C'est juste le DRM en fait, tout simplement. Donc ça, c'est le scandale. Ensuite vient l'insulte. L'insulte, c'est que Ubi décide de couper les serveurs DRM du jeu. Donc ben, tant pis pour toi. Les jeux ont une date de péremption aujourd'hui. Hein, c'est pas si tu savais. Et donc bon, les joueurs ont trouvé un moyen de contournement qui marche pour le jeu principal, mais qui malheureusement marche pas pour le DLC. Et donc voyons le désarroi de ses clients, hein, et la débrouillardise comme ça qui démontre bien l'intérêt et la passion même hein, qui existe encore autour de ce jeu. Bah t'imagines peut-être qu'Ubi allait publier un ultime patch pour supprimer le DRM en ligne. Ce serait revenu en arrière. Voilà, ou je sais pas, qui publie le code serveur, je sais pas, n'importe quoi. Non, ils ont viré le jeu de Steam, tout simplement. Parce que voilà, donc le jeu n'est plus exploité. Il est explicitement abandonné par son éditeur, mais tu crois qu'il serait fait cadeau à la communauté, ou même qu'Ubisoft aurait fait cadeau du jeu aux gens qui l'ont acheté? Non, quelle idée, franchement. Donc c'est assez pathétique, hein. Voilà, moins que ce soit une regrettable erreur, bien sûr, mais enfin, j'en doute un petit peu. C'est le genre de choses, on pourrait ne pas être choqué de voir des législations arriver en disant clairement que les éditeurs de jeux vidéo, mais j'imagine qu'il y a d'autres métiers rattachés derrière cette typologie d'activité, ne devraient pas avoir l'autorisation de couper comme ça des accès. Bon, c'est évidemment très compliqué à mettre en œuvre. Non, mais ils ne devraient pas être autorisés à couper l'accès sans donner des moyens. Oui, oui, voilà, oui, pour la pérennité, bien sûr, oui, bien sûr, pour la pérennité du jeu. Écoute, bon, très bien. C'est un monde difficile quand même. Écoute, très bien, on continue avec Intellivision, Guillaume. Ah, à chaque fois que je vois cette marque, je pense à la console que j'utilisais tout petit avec les disques, là, et les grandes manettes avec les fils. C'est dingue, bah ouais. C'est vrai que la Mico, on en a parlé pour la dernière fois en août 2019. Oui, je me rappelle, ça remonte un petit peu. Et déjà, j'avais dit que ça me rappelait ces usages de quand j'étais petit. Ah, j'ai dû chercher pour le savoir. Ce truc me semble dans les limbes depuis toujours, un petit peu comme la nouvelle Atari VCS. D'ailleurs, c'est aussi la même volonté de ressusciter une vieille gloire du jeu vidéo. Enfin, gloire, on s'entend, hein, parce que presque personne, sauf toi, se souvient d'Intellivision, je crois. Surtout en Europe. Non, c'est vrai que l'Intellivision, elle a eu un petit succès aux États-Unis, c'est vrai, puisque c'était l'époque glorieuse pré-crack de 83. Donc le jeu vidéo, c'était une nouveauté florissante. Donc il y avait des bornes, il y avait la console Atari, tout ça en force. Puis, évidemment, il y avait d'autres concurrents. Il y avait ColecoVision qui est arrivé un petit peu après. Il y avait les Intellivision, donc de Mattel, et oui, le fabricant de Barbie. Donc ce truc a eu son moment de gloire de 79 à 84, hein, bien que voilà, c'était un truc qui était légèrement plus puissant que la VCS, ça n'a jamais vraiment éclipsé la console d'Atari. Et donc, de cette console, je pense qu'on retient surtout des manettes improbables, hein, qui ressemblent à deux télécommandes vintage, rattachées par des fils en tire-bouchon, comme le téléphone de mamie. J'adorais ça. J'imagine qu'à l'époque, c'était très très rigolo. Mais bon, pourtant, la marque Intellivision a été rachetée. Et même que c'est pour sortir une nouvelle console, et même que cette console, c'est l'Amico. Sans doute pour trop respecter l'esprit de son ancêtre, d'ailleurs elle a aussi deux manettes bizarres qui se rangent sur la machine. Et comme son nom l'indique plutôt bien, l'Amico, c'est pas un truc pour faire du Battlefield hardcore en retracing 4K, ni du Doom Eternal à 240Hz, hein, c'est plutôt des petits jeux entre amis, voilà. Des petites parties amicales, dans une ambiance bon enfant, tu vois, où on se défie avec fair play, où on se quitte amicalement pour aller manger des apéricubes en toute amitié. C'est-à-dire en ne gardant pas toutes les, voilà, tous ceux aux olives pour soi. Voilà, il faut en laisser pour les autres, des apéricubes aux olives. Non mais, m'énerve ça. Donc l'Amico, c'est familial, c'est inoffensif. La preuve, même son processeur est inoffensif. C'est un Snapdragon 624, donc c'est un truc qui équipe des téléphones à 100 balles, voire moins. Franchement, ça fait pas de mal à une mouche. Alors, encore plus choupi, les manettes ont des écrans aussi et des CPU. Alors ces CPU, c'est des bébés CPU, hein. C'est des bébés CPU tout mignons, mais qui sont pas très joufflus. 240 MHz, hein, c'est sans doute pas assez pour une machine à laver moderne. Peut-être pour, je sais pas, des grille-pains ou des rondes serviettes, je sais pas. Enfin bon. L'Amico, c'est donc une console sympa. Voilà, qui veut vous faire jouer à des jeux flash entre amis sur une machine qui reprend le principe du double écran, hein, qui a permis le succès tonitruant de la Wii U. Bon, tout ça, ce serait fort alléchant si l'Amico allait au bout de son propos en ayant aussi un prix d'ami. Mais à 250 balles, ça va pas être possible. Parce que 250 balles, c'est 2,5 fois le prix d'une Wii U d'occasion, hein, si on va par là. Et surtout, c'est le prix d'une Switch neuve, c'est sans doute plus qu'une Xbox One X d'occasion. Bon, c'est donc en toute amitié que je vais devoir dire non et rentrer chez moi manger des apéricubes. Je maudis ma mère qui, dans le cadre de son déménagement, a dû jeter la console à la télévision qu'on avait depuis non petit. Je pense, il faut d'ailleurs, ça me fait penser, il faut absolument que j'envoie des messages. Mais, ben, attends, ouais. C'est vintage maintenant. Je me rappelle qu'on avait trois jeux, on avait Donjons et Dragons, avec des passages où à l'époque je sursautais de peur quand tu entendais le dragon qui ronflait et ça faisait... Et là, j'étais petit, j'étais complètement flippé, et puis le dragon allait très très très vite. Et il y avait. C'est impressionnant comme tu refais bien le bruit de la télévision. Mais ça m'a énormément marqué. Il y avait Space Invaders qui fonctionnait diablement bien, et un jeu qui s'appelait. Alors, je croyais dans mes souvenirs que c'était Star Trek, mais en fait, c'était Star Strike, et c'était des mouvements de vaisseau dans une espèce de passage Star comme Strike. Son creux. Ouais, c'était incroyable. Pas. Ah, attends, peut-être je confonds. C'était pas le truc avec les astéroïdes qui se pètent en deux? Je me rappelle plus des astéroïdes. Ah, je vais essayer de creuser. Et d'ailleurs, ça me donne envie de faire de l'émulation d'un télévision là en chaud là. Bon. Mais je vais plutôt appeler ma maman pour savoir si elle aurait pas remis la main sur l'intellivision. Ça va être compliqué de lui décrire ce que c'est, mais je vais tenter ma chance. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission qui clôt un petit peu le rythme habituel de Tech Café puisqu'on rentre là dans un rythme plus estival. Donc rien n'est garanti sur l'arrivée des futurs épisodes, on va forcément reprendre la parole dans Tech Café, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Guillaume et moi partons un petit peu en vacances, donc il y a fort à parier que vous n'aurez probablement pas les épisodes habituels tout de suite là maintenant. On se tiendra évidemment au courant de la sortie des futurs épisodes. Je me permets malgré tout de vous dire qu'en attendant, vous avez probablement plein de choses à écouter cet été. C'est le moment parfait pour reprendre à zéro un autre podcast qu'on a lancé il y a à peu près un an maintenant, qui s'appelle Paraculte, où on parle de choses qui nous ont plu, tout simplement, donc avec un angle pop culture. Et un épisode va arriver, là c'est incessamment sous peu au moment où on enregistre cet épisode de Tech Café, un épisode avec Xavier du podcast des livres dont vous êtes le héros. Alors l'épisode est complet, il a été bien monté par Guillaume, il est juste chez moi, il faut que j'appuie sur le bouton pour le mettre à disposition, donc vous voyez que ça va arriver dans très peu de temps. Mais je me suis rendu compte aussi sur le serveur Discord de Tech Café, dont le lien figure dans les notes de l'émission, que certains découvrent juste Paraculte et qu'ils en ont entendu parler à plusieurs reprises en fin d'épisode de Tech Café, mais qui sont jamais allés s'abonner. Alors écoutez, là, je vous laisse quelques secondes pour aller vous abonner, et puis il y a des petits témoignages là aussi sur le Discord, le serveur Discord, avec par exemple Tulkas qui dit « Trop heureux, j'ai droit de magnifique Ex Libris pour l'achat de mon volume de Beastars et de la nouvelle série de l'auteur dans le même univers. C'est la bonne occasion pour commencer la série. En plus, la saison 2 de l'animé arrive le 15 juillet, car oui, Guillaume avait fait un dossier sur Beastars et Brand New Animal. Évidemment, la saison 2 qui arrive le 15 juillet, c'est du tout bon sur Netflix, donc allez écouter l'épisode de Paracule pour savoir si vous devriez vous jeter là-dessus. Tulkas disait d'ailleurs que pour lui, c'était la meilleure série d'animation de Netflix et un des meilleurs mangas, et Dieu sait qu'il en a lu des mangas a priori, donc il faut aller écouter Paracule pour en savoir plus. Et puis, je vous invite, si vous en avez pas encore assez, si vous ne connaissez pas, allez aussi vous abonner à Relife, où vous pouvez même le faire découvrir à vos proches. proches pendant cet été, pour des proches qui voudraient découvrir le podcast. Il s'agit d'une émission sur l'amélioration du quotidien, le développement personnel, le life hacking, qu'on fait avec Matt, mon ami québécois. Et je pense que ça peut vous plaire, si vous ne connaissez pas, ou que ça pourrait plaire à votre entourage. Dans le dernier épisode, on a donné entre autres 10 trucs pour améliorer vos présentations. On a parlé de Twitter Blue, de Cooper, de Apple Notes sur iOS et iPadOS. À mon avis, il y a beaucoup de choses que vous pourriez aller découvrir. Et puis, ultime recommandation, je vous invite aussi à aller écouter l'épisode 400 de NipTech. Nos confrères suisses de NipTech, donc un podcast sur la tech et les startups, sur l'innovation au sens large. J'ai fait un petit segment en l'honneur de leur 400e épisode. Bravo à eux, 400 épisodes, c'est pas rien, on les félicite et on espère qu'il y aura encore 400 autres épisodes de NipTech. Guillaume, il est grand temps que tu nous rappelles où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Là, on va me retrouver probablement sous le soleil, c'est-à-dire pas chez moi. Tu vas donc devoir bouger un petit peu. C'est marrant parce que moi, en Picardie, j'ai beaucoup de pluie. Et donc, moi, je viens en Bretagne, par contre, là, en vacances, Guillaume. Mais j'ai regardé la météo, elle est bien meilleure qu'en Picardie. Donc, tu vois, tout est relatif dans cette histoire. Moi, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et peut-être dans les cartons de chez ma maman qui a déménagé pour essayer de retrouver fébrilement l'Intellivision. Ah, et je referai le dragon. Ah, j'en ai encore des frissons. Allez, à très bientôt dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.